Section 14. Livre 2, chapitre 11 à 15. Chapitre 11. Comment on fait sa prière? Nous arrivons au temple par une avenue dallée de larges pierres et bordée de petites boutiques où l'on vend surtout des joujoux. Au bout de l'avenue est l'entrée des jardins. Porte immense à la toiture énorme sous laquelle pendent des lanternes gigantesques en papier rouge ornées de gros caractères blancs et noirs. À droite et à gauche, dans de vastes niches, sont les deux statues colossales des gardiens du temple. Nios, grimaçant, terrible, au corps rouge, aux draperies mouvementées, armés de lances formidables, effrayants autant que possible, mais très bons enfants dans le fond. Là commence la série des actes religieux qu'on peut accomplir en l'honneur du dieu Kwannon. Le long des grilles qui entourent les statues, on suspend en ex-voto les sandales de paille qui ont servi à faire le pèlerinage. Parfois, pour ne pas encombrer de chaussures pourries le portique du temple, on remplace la quantité par la qualité et une société de pèlerins se cotise pour offrir aux Nios une seule paire de sandales. Mais quelles sandales ! 1 mètre de long, ce sont de vrais monuments. On ne tarde pas à s'apercevoir que la préoccupation des fidèles est d'éviter les distractions incessantes que les dieux ont évidemment. Combien, en effet, ne voit-on pas de prières non exaucées? Et la manière dont va le monde indique bien que ceux qui le mènent ne sont pas bien à leur affaire. Aussi, on ne néglige rien pour attirer l'attention des êtres qui ont la puissance infinie. Pour commencer, on cherche à obtenir les faveurs, ou tout au moins la bienveillance des portiers qui gardent le dieu. On leur explique que l'on est venu de loin, que le voyage s'est très bien passé, détail qui montre que le dieu est déjà bien disposé. Et pour preuve, en guise de carte de visite, on dépose ses souliers chez le concierge. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les préposés au mystère de la porte veuillent bien avertir leur maître de la présence des étrangers. Et pour ce faire, on écrit une lettre en forme de prière adressée au dieu. On lui annonce l'heureuse arrivée des pèlerins et on le prévient qu'il ne va pas tarder à recevoir dans le grand temple la visite officielle et la prière définitive. Mais comment faire parvenir à son adresse cette missive d'introduction? La chose est bien simple, on mâche la lettre écrite, on en fait dans la bouche une boulette, molle et collante, et d'une main à droite, on lance le paquet sur une des statues. Si la boule blanche s'écrase et s'attache au corps rouge du concierge, la lettre sera remise. Un fait singulier, c'est que lorsque l'on accomplit cette cérémonie et qu'on est en même temps affligé d'un mal de dents, la douleur cesse au moment même où la boulette touche la statue. La chose a été si bien remarquée que, dès qu'on a mal aux dents à Tokyo, alors même qu'on n'a point l'intention de pousser jusqu'au grand temple, on vient devant la porte du jardin, on mâche son petit papier, on le lance et l'on s'en retourne parfaitement guéri. Les énormes statues finiraient par disparaître sous les couches indéfiniment renouvelées de papier mâché. Pour les sauvegarder, on les a mises en cage et entourées d'un grillage à mailles serrées. Mais les dévots sont adroits et ingénieux et trouvent moyen, en divisant leurs projectiles, d'atteindre les colosses rouges dont les membres furieux se couvrent peu à peu d'une croûte informe et grisâtre. Des nuées de pigeons volent autour de nous et viennent de temps à autre s'abattre bruyamment sur le sol. Ceux-là sont aussi des messagers qu'on peut charger de transmettre les prières. Une poignée de grains qu'on leur jette a fait souvent réussir bien des entreprises. En effet, ces pigeons vont et viennent, tantôt ils se posent sur un temple, tantôt sur l'autre, quelquefois même on les voit s'accrocher à l'épaule d'un dieu de bronze et lui parler à l'oreille. Ils pénètrent sans hésiter dans les sanctuaires et rasent de l'aile les objets sacrés. On sait très bien que leur principale occupation est de mettre les dieux au courant de tout ce qui se passe. Sans cela, à quoi servirait cette grande activité qui ne leur laisse pas un moment de repos? Pourquoi iraient-ils ainsi sans s'arrêter d'un temple à l'autre? Et pourquoi, dès qu'ils ont mangé les grains qu'on leur jette, vont-ils au plus vite se percher sur les corniches sacrées? Tout cela prouve bien qu'un des meilleurs moyens de faire connaître au dieu le but de la visite qu'on lui fait, c'est de jeter aux pigeons une poignée de riz. Des marchandes ont préparé dans des petites coupes la ration nécessaire pour se faire bien venir des messagers zélés, et elles ont fort à faire, armées d'un long bambou, de défendre leurs denrées sacrées contre les attaques effrontées des pigeons divins qui savent parfaitement que ces provisions leur sont destinées. Un autre système meilleur mais plus cher. Vous voyez ces cages remplies de petits oiseaux. Achetez-en un et tout en le tenant dans la main, expliquez-lui bien votre cas. Puis ouvrez la main, l'oiseau s'envole, la prière est faite. Voulez-vous mieux que cela ? Seulement, c'est encore plus coûteux. Sur la gauche, dans cette maison basse ouverte sur le devant, il y a un petit cheval jaune à crinière blanche. C'est la monture du dieu. Tous les matins, on conduit le cheval au temple et l'on demande à Kwannon s'il veut faire une promenade. Généralement, il refuse et l'on ramène le cheval à l'écurie. Mais ce cheval qui reçoit tous les matins le regard de Kwannon lui apporte en même temps les vœux dont on l'a chargé tout le long de la journée précédente. Voyez, en effet, avec quel empressement on lui apporte des petites soucoupes pleines de fèves grillées. Chaque soucoupe est accompagnée d'une prière et l'animal, en avalant les graines, prend l'engagement de transmettre la supplique. Vous me direz peut-être que, sur la quantité, le cheval peut s'embrouiller, oublier, mal faire les commissions dont on le charge. Alors faites mieux. Donnez une forte étrenne à son gardien et le palefrenier du coursier sacré ira avec vous au temple en conduisant le cheval par la bride. Dans ce cas, si vous avez bien expliqué à la bête de quoi il s'agit, nul doute qu'elle ne fasse comprendre à son dieu le but de votre visite. Chapitre 12. Même sujet. Après la porte d'entrée, l'avenue, flanquée toujours des deux côtés de boutiques bien achalandées, conduit jusqu'au grand temple. Sur la droite se dresse dans les arbres une tour à 5 étages. Chaque étage représente un des degrés de perfectionnement que peuvent atteindre les êtres et les principaux bouddhas sont figurés dans l'intérieur. On trouve à la porte quelques instruments de percussion, marmites en bronze dont on frappe le bord, ce qui produit un son de cloche. Vaste tambour orné de gros clous et au-dessus de la porte un gros grelot plat que l'on fait vibrer au moyen d'une lourde corde suspendue à côté. Tous ces accessoires du culte sont destinés à attirer l'attention des bouddhas. Chaque coup frappé vaut une prière. Plus loin, une vaste salle contient quelques statues et notamment les dieux guerriers qui gardent les points cardinaux. Chacun d'eux armé de pied en cap terrasse un diable absolument comme Saint Michel. Ils ont des figures bleues, rouges, vertes ou blanches, selon les directions qu'ils représentent, et l'on peut se demander si ces couleurs n'indiquent pas certaines races d'hommes qui habitent au nord, au sud, etc. Mais comme ces couleurs varient suivant les sectes, et comme d'autre part la race verte est encore à trouver, il est plus sage de constater les couleurs de ces dieux sans y chercher trop de signification. Au centre de la pièce est une immense bibliothèque à 8 pans qui peut tourner sur un pivot. Là sont renfermés les 8 principaux livres de la religion bouddhique. Ceux qui les ont lus d'un bout à l'autre sont réputés de grands docteurs, et plus que personne sont aptes à devenir Bouddha. Mais tout le monde n'a pas le temps de se livrer à une lecture aussi formidable, et puis tout le monde ne lit pas couramment. Et comme l'intention est réputée pour le fait, il est convenu que si l'on fait faire à la bibliothèque un tour entier, on est censé avoir lu tous les livres sacrés, et on se trouve aussi sanctifié que les malheureux qui ont pâli sur les textes pendant des années. Ce n'est plus qu'une question de force musculaire, car la bibliothèque est fort lourde, mais, à ce système, les pauvres d'esprit ont beau jeu. C'est Fuda ici qui inventa ce procédé de science religieuse, mise à la portée de tous. Aussi, on lui a élevé des statues, et nous le voyons devant son chef-d'œuvre, représenté entre ses 2 fils. Peut-être s'est-il inspiré dans son invention de cette formule si souvent répétée dans les livres du Bouddha Sakyamuni, « faire tourner la roue de la loi ». Formule obscure, peu élucidée jusqu'à présent, mais que l'on a prise ici tout à fait au pied de la lettre, car on me montre des roues pivotant contre les murs. Or, il suffit de leur faire faire 1 ou plusieurs tours pour remplacer la lecture laborieuse de livres incompréhensibles. Le grand temple de Kwannon, tout peint en rouge, se dresse en face de nous. C'est une vaste salle sombre, écrasée entre un toit immense et un perron colossal. Beaucoup de petites niches de saints ornent l'intérieur. L'aspect général est assez effrayant. On brûle beaucoup de bougies, soit devant le dieu, soit sur des candélabres placés à la porte, et où on allume les cierges offerts par les fidèles, car l'incinération d'un cierge est aussi une prière. De même que l'encens, dont nous sentons les effluves, est une offrande qui plaît au dieu, et un grain de parfum offert à propos assure le résultat d'un pèlerinage. Le sanctuaire est défendu par de lourds barreaux qui forment jubé. Les chapelles sont grillées, on dirait qu'on a mis les dieux en prison. En somme, à part le dieu des malades, dont la statue s'use et s'amincit sous les attouchements, on ne voit aucune idole. Ce n'est pas qu'il en manque, mais tout est caché, tout est enfoui dans une obscurité mystique. C'est à peine si l'on aperçoit à travers les cierges le rideau du sanctuaire, sur lequel est vaguement indiquée la silhouette de Kwannon. Du plafond pendent, comme des stalactites, d'immenses lanternes, des baldaquins à longues franges, des oriflammes couvertes d'inscriptions, et cette forêt à la renverse assombrit encore cet intérieur sacré. Au dehors, dans les jardins, sont beaucoup d'autres temples. On nous montre le dieu du tonnerre, celui du vent. On nous présente à Fudo-sama, le dieu punisseur, dont la chapelle est encombrée de clients terrifiés qui prient avec ferveur, quelques-uns avec véhémence. La prière se fait généralement debout et les mains jointes. Quelques femmes se mettent à genoux. L'adorateur fait toujours précéder son oraison d'une offrande, un simple petit sou qu'on jette dans d'immenses tirelires grillées placées à cet effet devant tous les sanctuaires. Aussi on entend un bruit continuel de sous qui tombent, de gongs qui vibrent et de timbres qui sonnent. Souvent on attache au barreau des grilles un bout de papier sur lequel on a écrit le nom du fidèle et une courte prière. C'est la carte de visite. Parfois on plante un clou contre un des poteaux, mais ce procédé est moins respectueux. Il est employé surtout par les gens qui se piquent de sorcellerie et ont la prétention de forcer le dieu à leur obéir. Le clou est une mise en demeure. Certaines femmes, exaltées et poussées par un désespoir d'amour, quittent leur demeure à 2 heures du matin, l'heure du bœuf. 3 bougies allumées leur servent de coiffure. Leur kimono blanc, de forme kabbalistique, donne à ces femmes un aspect étrange. Sur leur poitrine resplendit un miroir métallique. Sur leur ventre est attaché un timbre qu'elles frappent avec un maillet en forme de croix. Un poignard est caché dans leur sein. Elles se dirigent, ainsi accoutrées, vers le temple d'Asakusa. Leur devoir est de tuer tous les passants attardés qu'elles rencontrent sur leur chemin. D'aussi loin qu'elles les aperçoivent, elles s'élancent à leur poursuite, et les malheureux se cachent où ils peuvent, dans les ruelles, sous les ponts, dans les égouts, afin de laisser passer les « dévotes de l'heure du bœuf », qui continuent leur chemin, échevelés et animés d'une fureur sacrée. Arrivées au temple, elles font leur demande, prononcent certaines formules d'évocation et plantent un clou. 8 nuits de suite, après avoir jeûné tout le jour, elles se livrent à ces opérations de sorcellerie. Et si tout s'est bien passé, suivant les règles, si elles ont la foi voulue et la conviction nécessaire, à la 8e nuit, elles trouvent le sanctuaire défendu par un énorme taureau noir qui est couché. C'est le moment critique. Il faut qu'elles s'élancent sur l'animal et le franchissent d'un bond. Si elles réussissent, le taureau disparaît et la demande qui a fait l'objet de la neuvaine est forcément accordée. À Kyoto, au temple de Kwannon de Kyumitsu, qui est placé au-dessus d'un précipice tapissé de cerisiers à fleurs roses, le sortilège peut se compliquer d'une dernière épreuve. La dévote de l'heure du bœuf croit devoir s'élancer dans le gouffre, et si elle est bien en règle avec tous les détails de l'opération, elle descend tranquillement dans l'espace et se trouve saine et sauve au fond de la vallée. Inutile de dire que généralement, ces malheureuses sorcières trouvent la mort dans cette dernière épreuve, car s'il est encore possible de combattre un bœuf imaginaire, il est moins aisé, malgré les cerisiers en fleurs, malgré la conviction, de faire un saut de 100 mètres et de ne pas se briser les reins. Chapitre 13. Jizo. Ça et là, à travers les jardins, on voit de fort belles statues de bronze montées sur des socles de pierre et généralement réunies en groupes serrés. Ce sont particulièrement des dieux funéraires chargés de protéger les âmes dans l'autre monde et de veiller à la grande affaire de la transmigration. On y remarque surtout Amida, Kwannon, Seishi et Jizo. Amida personnifie le pouvoir d'expliquer les lois divines. C'est l'éloquence basée sur le raisonnement. Il prêche et dirige. On le représente ordinairement une main levée, l'autre tournée vers la terre, et toutes deux ayant le pouce et l'index réunis. Il est souverain de la région funéraire placée à l'ouest. Son nom rappelle l'Aminti des Égyptiens, les Champs-Élysées des Grecs. Quelquefois, il tient la main gauche, les éléments, l'univers, réunis par le bout des doigts à la main droite, sa propre nature, son âme, ce qui symbolise l'identification des êtres avec Amida. C'est presque l'âme universelle. Conan se rapproche davantage de l'humanité. Il a pris 33 fois des formes humaines, et toujours ses incarnations ont eu pour but de sauver les hommes. Le peuple le considère comme une déesse, car souvent ce dieu tient sur ses genoux un petit enfant. Voilé comme la déesse d'Éphèse, il protège les bateliers comme Isis et multiplie ses bras comme Ishvara. Bienveillant pour les amoureux, secourable pour les défunts, préoccupé d'exaucer les moindres prières, surtout les prières des femmes, il vaut tout un Olympe. Hérodote l'eût pris pour Vénus, Pausanias l'aurait appelé Mercure, et les premiers missionnaires chrétiens l'ont nommé Marie. C'est ici le second dans son rôle funéraire, et à eux deux, ils présentent les âmes au grand juge Amida. Quant à Jizo, c'était un des bienheureux Bouddhas, mais il abandonna son état divin pour descendre sur les mondes inférieurs. Il a ainsi visité 6 mondes particuliers où les Bouddhas étaient méconnus. Ce dieu, dont le nom ressemble à celui de Jésus, est venu sur notre terre. S'est incarné dans le corps d'un prêtre bienfaisant qui guérissait les malades et sauvait les âmes. Sa grande préoccupation est de tirer de l'enfer les petits-enfants condamnés pour des fautes commises dans les existences antérieures. Il veut les affranchir des péchés originels et c'est surtout pour cela qu'il a quitté le ciel. Son rôle funéraire est considérable au Japon. Et ses chapelles sont encombrées de petites stèles dorées sur lesquelles on inscrit en lettres noires les noms des défunts qu'on recommande à Jizo. Vêtu tantôt de la toge sénatoriale du bonze de Ceylan, tantôt de la lourde chape sacerdotale du bonze japonais, il tient dans une de ses mains la boule de pierre précieuse et dans l'autre le sistre à anneaux, sorte de caducée qui lui sert à conduire les âmes. Un petit temple est entièrement rempli de ces statues en pierre, de petits formats et accumulées les unes sur les autres comme des harengs dans un baril. Devant ce sanctuaire, on brûle beaucoup de petits bâtonnets odorants. Une peinture représente des enfants jouant à faire des châteaux avec des petites pierres. Mais d'affreux diablotins viennent à chaque instant détruire leur ouvrage et renverser l'édifice. Il paraît que c'est là le genre de supplice que l'enfer bouddhique réserve aux enfants japonais. À première vue, la punition ne paraît pas bien cruelle. Mais si l'on réfléchit qu'aucun peuple ne s'amuse autant que le japonais, que sa grande préoccupation est le plaisir, on comprend que la privation d'une distraction, si futile qu'elle soit, devienne pour lui une véritable torture. Pour les enfants japonais, surtout, qui savent si bien se divertir avec un rien, qui se font un amusement de tout, même de l'école, pour lesquels on invente les jouets les plus ingénieux, la contrariété d'un amusement supprimé doit être un vrai désespoir. Eh bien, Jizo ne veut pas qu'on empêche les petits-enfants de s'amuser, de construire leur léger château. Il prend ses petits êtres sous sa protection, fait fuir les diablotins et procure aux bébés des paradis où l'on peut construire en toute sécurité des châteaux de petites pierres. Est-ce pour cela, est-ce pour alimenter les jeux des enfants défunts qu'on couvre de petits cailloux les statues de Jizo? Ici, les explications sont variées. Les uns disent que quand on a mal aux dents, et la chose est fréquente au Japon, pays des courants d'air, on pose sur un Jizo une petite pierre et le mal s'en va. Les autres prétendent que, lorsqu'on adresse une prière à Jizo, il est bon de jeter un caillou léger sur sa statue. Si le caillou tombe, la prière est manquée. Si le caillou reste suspendu soit sur la statue, soit sur le socle, la prière est acceptée et sera exaucée. D'autres, enfin, assurent que Jizo a entrepris tant d'affaires à la fois, se charge de tant d'âmes, accueille tant de prières, sauve tant d'enfants que il ne sait trop où donner de la tête. Or, lorsqu'il était sur terre, il disait « Venez à moi, et laissez tout le monde venir à moi, surtout les enfants, et je sauverai tous ceux qui me parleront, me toucheront, ceux qui se feront connaître même en me faisant du mal. Je ne puis pas avoir de relation avec tous les êtres, mais tous ceux qui m'avertiront de leur existence seront sauvés. » Et l'on a pensé qu'un attouchement de la statue pouvait être bon, mais peut-être insuffisant, tandis qu'une petite pierre lancée à propos et avec adresse ne fait pas trop de mal, mais attire bien autrement l'attention des hommes et même des dieux. Et l'on jette des pierres à Jizo afin qu'il ne vous oublie pas. Tenez, voyez le long de ce bosquet cette rangée de 6 statues de Jizo en pierre. Chacune représente le dieu lorsqu'il était dans un des 6 mondes qu'il est venu sauver. Mais voyez comme ces dieux ont l'air malades. D'abord, de nombreuses blessures attestent qu'ils ont souffert. Des nez enlevés, des oreilles cassées, des bras manchots, des visages déformés, des pieds incomplets, etc. Et puis tout un attirail de pansements indique qu'on les veut soigner. Mentonnières nouées sur la tête, œils bandés, bras en écharpe, jambes entourées de linge, torse couvert de cataplasmes, etc. Les blessures sont le résultat des coups de cailloux que les statues ont reçus de leurs adorateurs. Les soins qu'on leur donne ont pour but non de les guérir, mais de les engager à guérir des maux qu'on a soi-même. Ainsi, nous avons vu dans ce jardin d'Asakusa bien des manières de faire des prières. Il nous restait à trouver des dieux qu'on entoure de remèdes pour se faire du bien, et ceux dont on s'attire les faveurs en leur cassant le nez. Chapitre 14. Foire bouddhique. Notre guide, Matsumoto, ne se contente pas de nous montrer les monuments qui font l'ornement et la gloire du jardin d'Asakusa. Il nous promène à travers les boutiques, les baraques de saltimbanques, les tirs à l'arc et tous ces établissements qui entouraient autrefois les temples païens et font encore maintenant l'animation des temples japonais. Les marchands de jouets sont les plus nombreux. On vend aussi des fleurs, des livres, des peintures sur rouleaux. Il y a des bouquinistes et les vieux manuscrits ne sont pas rares. Maisons de thé, cabarets de boissons glacées à l'américaine, restaurants japonais, voilà pour le côté matériel. Dans des enclos, on vend des fleurs, des plantes rares et de fort belles faïences pour servir de jardinière. Les photographes qui ne respectent rien se sont introduits dans ce jardin sacré et les pèlerins peuvent avoir leurs portraits se détachant sur le grand temple. La photographie, la lampe à pétrole et le chapeau forme melon, tels sont pour les Japonais les spécimens les plus flatteurs de la civilisation européenne. En vain, on importe des cargaisons de produits élégants, commodes, bon marché, séduisants, avantageux, utiles et économiques. Rien ne réussit. L'indigène se cantonne dans ses habitudes qu'il trouve plus agréables. Il consomme ses produits qui lui reviennent moins chers et se sert de ses objets d'art qui lui semblent de meilleur goût. On retourne en Europe les cargaisons avec 100% de perte. Mais les chapeaux de feutre, mais les lampes à pétrole, mais les photographies. Succès, succès, succès, comme disent les Américains. Parmi les boutiques, il faut signaler, en cherchant des euphémismes, les boutiques de tir à l'arc. Ce sont de charmantes jeunes filles qui en font les honneurs. Elles vous sollicitent à venir exercer votre adresse et profitent de l'occasion pour risquer force mots à double entente. Il ne faudrait donc pas chercher là quelque chose d'analogue à nos tirs à la carabine. Les établissements d'Asakusa, loin de contribuer à développer la force et l'adresse des Japonais, les poussent à la mollesse et à l'oisiveté. Ils font le bonheur des jeunes gens et le désespoir des parents. C'est là qu'on trouve, comme habitués, les étudiants paresseux, les ouvriers flâneurs, les jinrikis en goguettes. Pour exercer son adresse, on s'accroupit sur la natte à côté des jeunes filles. Devant soi, le carquois vous présente une auréole de flèches empennées. Au fond de la boutique, derrière une rampe formée d'un feston d'éventails dressés et ouverts, on a figuré sur une toile des lointains montagneux. Le trait, lancé d'une main distraite, va un peu où il veut. Il s'agit de franchir les éventails et de ne pas toucher aux montagnes. La chose est aisée, mais l'on cause, l'on rit, l'on gesticule et l'on manque. Partie perdue, partie recommencée, et ainsi de suite. Entre-temps, on a fait plus ample connaissance avec les sirènes préposées au tir, et si l'on se dit adieu, c'est pour se retrouver plus tard dans des parages moins fréquentés. Les restaurants et les maisons de thé se présentent au chaland avec des quantités de thé no gui bleus et blancs suspendus à des bambous. Chaque thé no gui est un mouchoir de poche, si l'on peut appeler ainsi un morceau d'étoffe qu'on ne met jamais dans sa poche, et dans lequel on se garderait bien de se moucher par la raison que les Japonais, même enrhumés, ne se mouchent point. C'est donc un mouchoir de poche sur lequel on a imprimé en bleu sur blanc ou en blanc sur bleu le nom d'un voyageur, d'une corporation, d'une société de secours mutuel, d'une association artistique ou d'un pays. Tout client satisfait de la maison où il est reçu laisse en partant, en manière de carte de visite, son thé no gui dont on fait une réclame et qu'on montre aux passants comme un livre de voyageurs. Ici est une ménagerie, là un conférencier qui récite des scènes comiques, plus loin un théâtre de marionnettes, à côté un marchand d'oiseaux aux volières animées. Dans ce coin, on admire un prestidigitateur. Dans cette enceinte, on essaie des chevaux à vendre. Cet immense bâtiment contient des figures de bois et cette foule serrée entre dans un théâtre. Nous ne pouvons tout regarder. Contentons-nous des figures de bois et du théâtre. Puis, nous nous dirigerons rapidement vers les temples de Shiba. La collection de figures de bois qu'on nous montre correspond aux collections de figures de cire qui sont exhibées dans nos foires européennes. Seulement, au lieu de présenter ce fouillis de personnages plus ou moins historiques, ce mélange incohérent de costumes défraîchis, cette accumulation de scènes variées qui s'entremêlent et font vivre côte à côte les assassins célèbres et les diplomates, les Turcs et les chasseurs de chamois, les reines et les bergères de Florian, les Japonais veulent que l'illusion et l'impression soient plus complètes. Ils soignent non seulement les types, les costumes, les attitudes, mais aussi le décor et l'éclairage de la scène. Ainsi, chaque sujet représenté occupe une seule chambre avec une sorte de diorama qui figure un véritable tableau en relief. Les sujets représentés sont des légendes divines ou des actualités. Ici, la religion est de toutes les fêtes et de tous les spectacles, malgré ce qu'en peuvent dire les Japonais progressistes qui se piquent de libre pensée. Mais il s'agit d'une religion aimable, familière, commode, analogue à celle des Grecs, religion qui n'est pas gênante et n'empêche point de s'amuser. Je remarque sur un rocher sombre un dieu Kwannon drapé de blanc et voilé comme une vierge. Une autre représentation de Kwannon est tout à fait prise au sérieux, car les visiteurs lui offrent des sous et des gâteaux. C'est la reproduction d'une célèbre idole de la province de Mino. Ce sont les impresarios qui profitent de ces offrandes. Et il est assez curieux de voir des saltimbanques vivre du casuel tout comme de vrais sacristains. D'autres tableaux représentent des Européens mangeant avec des fourchettes, ce qui a paru longtemps incompréhensible. Une dame française apparaît dans un coin, juchée sur un vélocipède, d'où les Japonais doivent conclure que les dames françaises n'ont pas d'autre moyen de locomotion. Allons maintenant au théâtre, qui n'est qu'une baraque. La pièce qu'on joue est bouffonne, quoique religieuse, et c'est un bonze qui fait les frais de l'amusement. En plein jardin sacré, c'est assez osé. Un mari vient de perdre sa femme. Armé d'une épitaphe comique, écrite sur une planchette, il vient commander au bonze l'enterrement de sa chère moitié. Discussion, jeu de mots, épigrammes, riposte du bonze, plaisanterie du veuf, la pièce est dans ce trait final, effrayée des exigences du clergé, émue à la pensée des sommes folles qu'il va avoir à dépenser, le mari en arrive à regretter que sa femme soit morte. Pendant la discussion, l'orchestre, ou plutôt le chœur, chantonne, pleure, rit, intervient, lance son mot, gratte la guitare, tape sur la calebasse ou la plaque sonore, ponctue les phrases et souligne les traits, tandis qu'un gamin accroupi sur le plancher de la scène accentue les moments à effet par un trémolo de baguette de bois. Le public est composé surtout de femmes et d'enfants, et un écriteau nous apprend que ces derniers ne paient que 5 sous d'entrée, tandis que les grandes personnes paient 10 sous. Mais ce qui me frappe surtout, c'est l'élégance débraillée de tous ces personnages. On pense à la fois à Aristophane et à la biche. Il y a dans ces hommes de l'éphèbe et du gavroche. Athéniens par leurs jambes nues, finement chaussées de brodequins blancs, ils sont faubouriens par leurs chapeaux déformés et leurs casquettes de drap. Praxitèles, changés en voyous, ils nous donnent certainement une idée du sans-gêne, plein de grâce, que devaient avoir les acteurs comiques du théâtre de Bacchus. Chapitre 15. La mare de la vieille femme. Il y a de cela bien longtemps. Le beau temple construit à Asakusa par Iemitsu n'existait pas encore, ni même celui qui l'a précédé. Le dieu Kwannon n'avait qu'un modeste sanctuaire à Ichinogonguen, sur les bords du fleuve Sumidagawa, dans lequel, au 7e siècle, on avait pêché la statue miraculeuse. Cette même statue, qui pendant longtemps n'eut d'autre abri qu'une chapelle de rameaux verts, et qu'on honore maintenant au milieu des richesses fastueuses du culte bouddhique. Yedo n'était pas encore. Les voyageurs qui allaient du sud au nord, ou du nord au sud, faisait halte sur les bords du fleuve, dans un hameau où, comme cela se voit dans les villages placés sur les grandes routes japonaises, toutes les maisons étaient auberges. Une vieille femme vivait là avec sa fille, qui était belle et gracieuse. La maison de la vieille était petite, et elle n'avait qu'une chambre à offrir aux voyageurs, mais elle aimait à faire son choix, et s'adressait particulièrement aux jeunes gens bien mis qui voyagent à cheval et ont d'ordinaire la bourse bien garnie. Elle forçait sa malheureuse fille à se tenir devant la porte et à attirer chez elle les galants cavaliers. L'accueil était charmant, on le devine, et presque toujours le voyageur happé se décidait à passer la nuit en si aimable compagnie. Mais, détail bizarre, la vieille n'avait à donner à son hôte qu'un oreiller de pierre. Pour les Japonais qui passent la nuit la tête durement posée sur un rectangle de bois, un moellon en guise de coussin peut ne pas surprendre beaucoup. Or, quand le galant s'était endormi sur son oreiller, la jeune fille prévenait sa mère qui venait sans pitié écraser la tête du voyageur. L'affreuse vieille vivait ainsi en s'enrichissant des dépouilles de ses victimes. Et l'infortunée jeune fille ne savait plus ce qui était vertu ou ce qui était crime, faisant œuvre quotidienne de l'horreur et de l'infamie, et n'ayant plus ni remords de ses méfaits ni conscience de son abjection. La justice humaine, de son bras incertain, aurait pu la punir. Un dieu même n'aurait pu la sauver. Son cœur devenu insensible n'avait plus ni amour ni pitié. Quelle faute avait-elle donc commise dans ses existences antérieures pour être avilie ainsi? Et quel sort épouvantable l'attendait au-delà de la tombe? Un jour, une violente émotion vint faire battre son cœur que plus rien ne savait émouvoir. Elle attendait dans la rue le passage de quelques victimes nouvelles, et justement sa proie se présentait à elle sous la forme d'un jeune homme d'une beauté ravissante. Mais jamais la vue d'un beau voyageur n'avait produit sur elle une pareille impression. Certes, elle en avait vu dont le teint était aussi blanc et les yeux aussi vifs. Certes, elle en avait vu dont les jambes étaient aussi élégantes et la démarche aussi noble. Des lèvres aussi gracieuses avaient pris des baisers sur son cou. Des bras aussi nerveux avaient enlacé sa taille. Qu'avait donc ce cavalier de plus que les autres pour la fasciner de la sorte? Il avançait sur la route de l'air d'un homme qui cherche un logis. Son cheval jaune, avec la crinière et la queue blanche, le suivait comme un jeune chien et paraissait admirablement dressé. Le premier mouvement de la jeune fille fut de se précipiter au-devant du jeune homme et de lui parler. Mais tout d'un coup, elle réfléchit au sort affreux qui attendait ceux qu'elle choisissait. Elle frémit et s'arrêta. Le bel inconnu s'avançait toujours. Un violent combat se fit dans le cœur de la malheureuse. Lui parler, c'est la mort du voyageur. Le laisser passer, c'est le désespoir pour elle. La vieille intervint. La jeune fille n'hésita plus. Quelques minutes après, le cheval remisé dans le jardin paissait au bord d'un petit étang servant de limite à la propriété. Et le beau voyageur soupait gaiement en compagnie de la gracieuse hôtesse. Lorsqu'arriva le moment fatal, lorsque le jeune cavalier se fut endormi sur le makura de pierre, la jeune fille se précipita avec désespoir dans la chambre de sa mère. « Grâce, grâce pour lui !»« Tu es folle !» Je n'ai jamais désobéi, je n'ai jamais résisté, je n'ai jamais formulé une plainte. Mais cette fois... Dort-il? Pas encore. Tu mens. Oh, ma mère, vous voulez donc le tuer? Oui. Eh bien, alors je vais le réveiller. Malheureuse! La vieille fit un geste terrible. La pauvre enfant s'affaissa le front sur la natte et ne releva la tête qu'en entendant sa mère qui cherchait dans un coin de la cuisine la seconde pierre qui devait tuer l'étranger. La jeune fille s'éclipsa rapidement, et la vieille put tout à son aise écraser selon son habitude la tête de la nouvelle victime que le sort lui avait livrée. Le crime accompli, la femme se met en devoir de dépouiller le voyageur. La pâle lanterne qui l'éclaire lui donne de singulières hallucinations, que dis-je, lui dévoile d'effrayantes vérités. Ce n'est pas un homme qui est étendu là, c'est une femme, c'est sa fille. Oui, c'est bien sa fille qui est venue sauver l'inconnu. C'est sa fille qu'elle a tuée de sa propre main. Et l'étranger? Dans le jardin, la lueur de l'aube naissante montre sur le sol humide des bords de l'étang les traces de pieds humains et de sabots de cheval. Le jeune homme a traversé la mare et s'est enfui. Les grands criminels ont d'étranges retours sur eux-mêmes. Leur sensibilité émoussée devient tout d'un coup aigu comme un poignard, parce que le malheur s'attaque à leurs intérêts et à leur propre cœur. L'infâme vieille fut terrassée. Elle sentit au-dessus d'elle le poids d'une main toute-puissante et vengeresse, éperdue, affolée, elle court au temple de Kwannon pour demander grâce et pour sauver son âme, si c'est encore possible. Car Kwannon est bon, Kwannon est un dieu de pardon. À gauche du temple, elle voit dans l'écurie sainte le cheval consacré. Singulière coïncidence, ce cheval est jaune, avec la queue et la crinière blanche. Elle arrive au sanctuaire, s'agenouille devant la statue, et levant les yeux, elle s'aperçoit que le dieu a les pieds salis d'une boue claire, encore humide. Plus de doute. Le bel inconnu, c'est Kwannon lui-même. C'est Kwannon qui est venu mettre fin au crime de la vieille. C'est Kwannon qui a voulu sauver sa fille en lui faisant racheter par un dévouement sublime toute une vie de perversion et d'horreur. Alors la femme, cachant sa figure sous sa longue manche, se retire la tête baissée et marche, chancelante, jusqu'à la mare qu'a traversée le dieu. S'avançant dans l'eau, elle s'y laisse tomber et se noie en poussant un sanglot de désespoir. On nous montre, près du grand temple, la mare de la vieille femme, mare vénérée, puisqu'elle fut témoin d'une des 33 incarnations du dieu Kwannon. Fin de la section 14.